amor baila. Chante comme Dalida. Avec le style là, il faut qu'on style là. J'espère que ça ira. Peut-être qu'on saillera. Peut-être qu'on salira. Quand ça caillera. Comme c'est dur de tenir. J'arrive pas à guérir. Des millions de ratures. Je ne veux pas me relire. Je m'en veux. J'essaye de faire comme si j'étais un oiseau. En été, les saisons disparaissent. Les sangles ont séché un million de folies. Tu plonges dans ma tête vite. Si je me fais arrêter, Eric Dupont m'aurait dit. Si je me fais arrêter, ça sera pas la première fois. Non. Quand ça caillera. J'aime poser dans le noir. Avec les rayons du soir. Il n'y a plus d'espoir. Je ne veux pas te décevoir. Tu peux compter sur moi. Si je vois que t'as mal, je serai là. Viens on dansera cha-cha-cha. Sous cachaça. On fera des pas chassés. Et je vois passer le time. Je me demande si je suis de taille. J'ai mes secrets, j'ai mes failles. Tu m'as dit bye bye. Et j'ai failli partir. Ok ok, nous ce qu'il est cool. Je suis en slow mo, je fais ce qu'il est cool. Les gens disent mais qu'est-ce qu'il est cool. J'aurais même pas l'expliquer. Si je tire je vais viser. On va apprendre à s'éviter. Impossible à diriger, impossible à diviser. On va se resservir un revêt, on va continuer à rêver. Courir après la rivière, franchir la ligne d'arrivée. Dis-moi est-ce que tu pourrais tuer pour moi. Est-ce que tu creuserais un tunnel. Mi amor baila. Chante comme Dalida. Peut-être qu'on s'alliera quand ça caillera. Chante comme Dalida. Danse comme Shakira. Change comme Lady Gaga. J'baisse comme Rihanna. Laisse les tivala. Qui va là. Je suis dans mon baila. Baila. Je suis dans mon baila. Baila. Je suis dans mon baila. Baila. Je suis dans mon baila. Chante comme Dalida. Avec le style, il faut qu'on style. J'espère que ça ira.